Alors, c'est une spéciale dédicace à Daddy. J'ai demandé si vous aimiez le score. Chantal, Mireille et blablabla. On est que subit dans sa savane. Eric se gare sur un parking peu banal. Mais voilà qu'arrive le trafic des flics. Police, montrez-moi vos papiers, carte d'identité fermée. Oh police, vos papiers s'il vous plaît là. Oh oh oh. Ouais, ça va bien. J'aurais les bien ordonné. Ils n'ont pas de temps direct dans la chambre. Ils sont motivés pour une partie de chambre. Et voilà qu'arrive la moseur d'Eric. Ils sont en panique, arrêtez donc je vous pratique. Ah mais mes enfants, qu'est-ce que vous faites sous la couette? Au moins j'espère que c'est la mer préservatif. Alors là c'est la minute de Noah. Nous, on adore ça. Et vous, vous aimez ça? Ok, ça y est, hein, la température est meilleure. Hein. Ça y est, il fait chaud. Et c'est pas terminé.